Cette conférence a pour titre « Il y a de l'espoir pour votre espoir ». Est-ce que c'est vrai ça, Daniel? Comment? Qu'il y a de l'espoir pour notre espoir? Je pensais que tu allais dire « Cette conférence est retenue et payée par… » Très bien! J'ai rien contre! On est en politique, en période électorale. Ouais. Mais on est peut-être en campagne électorale de clonage. Bon, alors pas politique. Parce qu'il y a des dangers qui te présentent. Mais pour, ça pose beaucoup pour ça, mais... Parce qu'il y a une place vacante, c'est évident. Ah, c'est tout le il y a juste des places vacantes. Daniel, on parle de l'espoir. Pourquoi l'espoir, c'est... On n'a pas encore parlé de l'espoir. Non, mais on va en venir. Mais pourquoi c'est si accrochant que ça quand j'écoutais Johnson qui promet 400 000 emplois, puis le monde, il demande comment il va faire. Oh, il ne sait pas l'important, c'est qu'il... Puis il va être probablement élu parce qu'il promet ça. Tu Robert Bourassa a déjà réussi à convaincre les Québécois de voter pour lui en promettant 100 000 emplois. C'était l'affaire du siècle. Puis là, lui, c'est 400 000. Ben, plus la menterie est grosse... 4 mandats plus loin. Non, mais ça prouve que les gens aiment souffrir. C'est quelque chose d'impossible. Mais il croit pareil. En tout cas, il espère que, pour une fois, ça serait vrai. Non, les gens espèrent même pas. C'est... tu savais comment. C'est bien pire que ça. Mais c'est pas de cet espoir-là que je veux parler. C'est pas de l'espoir, ça. Les gens espèrent qu'ils ne pourront pas le faire. Pour pouvoir chialer. Pour pouvoir... C'est ça. Pour pouvoir même pas chialer pour être malheureux. Ça paraît tellement bizarre, mais comme on dit, les gens qui ont des emplois, est-ce qu'ils veulent conserver leur emploi ou s'ils aimeraient mieux que la compagnie ferme? Ils font tout pour voler le patron, ils font tout pour écœurer le patron, ils font tout pour faire faillite. Ils font tout ça. Puis quand la compagnie est sur le bord de faire faillite, ben le syndicat, il a le choix entre baisser des choses ou faire fermer la compagnie. La majorité du temps, on ferme la compagnie. Ouais. Le monde, ils veulent pas conserver leur emploi. Mais est-ce que mes compagnies d'assurance, sur ta prime de 1000 $, tu paies 100 ou 150 pour pallier aux fraudes? Fait que la vie, ça coûterait beaucoup moins cher si personne fraudait. Bien, c'est évident. Mais ça serait. Les gens le disent, ça serait bien trop beau. Bien trop simple. Faut pas! Mais moi, ce qui. Il y a une beauté bizarre, là. Quelque chose qui coule, qui est tout défait, c'est assez beau. Mais quelque chose de bien qui est solide, c'est trop beau. C'est illégal. Mais pourquoi ceux qui fraudent et qui sont des héros? Bien, ils sont des héros. C'est une façon. Probablement, ce sont des héros. La seule raison qui arrive à vivre avec un peu plus de stress. Puis l'idée, surtout, c'est que la majorité des cas, ce ne sont pas des héros. Mais c'est parce qu'ils arrivent à nous faire vivre plus malheureux. Bien, ça, c'est le fond de la chose. Mais en tout cas, l'espoir. Mais il y a une petite flamme. Voyez-vous, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que l'être humain fait la guerre, a fait la guerre, fera la guerre. Les enfants préfèrent jouer avec des jeux de guerre. On modernise la guerre, mais ça reste des jeux de guerre. Les adultes aiment la violence. Ils vont louer des films d'horreur, vont louer des films de violence. On appelle ça des films d'action. Oui, mais... Tu verrouves en bas, là. Une chose dans la violence, justement, un film de violence, des fois, il va se passer des événements, et puis ça défoule. J'ai un exemple, j'ai okay, une seconde. Pourquoi ça défoule? Parce que tu as besoin de violence. C'est la nature. C'est pas plutôt parce qu'il y a une frustration d'accumuler envers... C'est les psychologues qui mettent ça, là. C'est moi qui le dis, là. Oui, mais les psychologues le disent aussi que tu n'es pas débranché dans les livres. Mais c'est parce que tu ne te permettant pas de faire cette violence-là, en voir, ben, ça te défoule. Mais même... Ça nourrit ça qui est en toi. Oui, parce que même si les psychologues le disent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison. Non, effectivement. En tout cas, on espère. C'est rusé. La majorité des gens qui ont des frustrations, le psychologue va leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin d'avoir ces frustrations-là. C'est vrai. Donc, les frustrations sont créées par quoi? Pas par la vie, pas par l'écœurante ou l'écœurant, pas par ça. Par le fait que tu vas à pêche à des situations pour te ramener des problèmes. Il y en a qui leur problème majeur, c'est l'apocalypse. Depuis 50 ans, ils ont peur de l'apocalypse. Là, leur problème majeur, c'est que la petite maudite apocalypse ne vient pas. Bon. Il y a d'autres problèmes majeurs, c'est la guerre en Bosnie. Les écœurants de Canadiens. Okay. C'est les Mohawks. Il y en a là, leur problème. Je t'arrête. J'avais un autre exemple, là, tu m'en amènes une autre. Exemple. Tu des faux problèmes. T'es un bon citoyen, en apparence. Tu demeures dans le coin des... Ah, c'est un policier. T'es un bon citoyen, en apparence. Non, mais c'est pas... C'est bon. Tu demeures dans un territoire, dans une réserve, ou près. Et puis, à cause du conflit qu'il y a, ta maison, elle valait 200 000, maintenant, elle en vaut à peu près 23 000. Ouais. Puis encore. Il y a une situation qui est frustrante. Mm-hmm. Et puis toi, là-dedans, t'as pas été à la pêche, là? Non, non, oh. Un instant. Ben non, une autre situation. Ah, ben, une situation à la fois. OK. Déménage. Oh, mais t'as pas d'argent. Ah oui, mais... Oh, non, c'est pas vrai! Déménage à 23 000. T'as une hypothèque de 150 000, là. C'est pas vrai. C'est faux. Mais va leur dire ça, là. Ils oublient ton cas. Mais non, je peux pas aller leur dire. Ils sont bien, ces gens-là. Ils sont dans la merde. Ils vont tout faire pour rester là. Mais ils n'ont rien fait pour y aller, en tout cas. Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis pas, l'humain, là, il s'en va pas sur le chantier de bataille. L'humain, il va à la pêche au problème. Si la vie s'en charge, si la vie t'en amène un, tu es content, tu le gardes. Si à la longue, la vie t'en amène pas, tu vas finir par t'en trouver. Ou tu vas finir par devenir paranoïaque, ça va pas tout le monde. Tu vas trouver que les sociétés, c'est des maudits voleurs. Ils volent pas. La société, c'est nous autres. T'as trouvé que le gouvernement, c'est des maudits voleurs? Non, il y a des dépenses, comme tu dépenses. Mais il éclaire tes rues, ils mettent l'asphalte. Ah, c'est bourré de trous, t'es pas dans les chemins de terre. T'sais, les gens vont aller chez Stamberg, ils ont été souvent, puis là, ils se disaient, ils vont plus là, ils ont été chez Stamberg, puis là, ils se disaient, ils volent assez, ces gros-là, ils volent un petit peu, moi, là. Ils sont, on se crépait, maudite niaiserie. Mais ils peuvent y aller, mais... Alors, non, mais ils ont tellement volé que Stamberg est plus là. Bon, mais c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a d'autres mondes qui fallait qu'ils trouvent des raisons pour arriver à souffrir. Bon, c'est plaisir humain. On est dans un territoire en guerre. Mais... Moi, je vais te donner un exemple. Oui, parce que... Quand il y a un ouragan qui arrive en Floride, ben, la Floride déclare qu'il y a une évacuation générale. Il y a plein de monde qui ne veulent pas évacuer. Là, ils vont dire, j'ai pas demandé l'ouragan. Non, non. Mais l'ouragan peut te tuer. L'ouragan peut tout massacrer. Il peut massacrer ta famille, tes enfants. Et tu restes là. Mais oui, je reste là. Ouais, parce que peut-être ça va arriver. Là, eux autres, leur intelligence, la friction va dire, non, c'est parce que si moi, je veux pas que ça m'arrive, c'est parce que prends le corps de ta gang, puis va-t'en. Ouais, mais... Si tu veux la paix, va-t'en. Mais là, il y a un problème avec ça. Pas. Il y a un autre exemple. Non, mais il espère. Non, je sais qu'il espère. Il espère souffrir. Puis ça, je vous le dis, les gens ont trop de contact avec l'intelligence pour admettre ce que je dis. Ils vont espérer qu'il n'arrivera rien. Mais s'ils s'en vont, ils sont sûrs qu'il n'arrivera rien. Ils vont rester là. Peut-être d'autres choses. Regarde les gens pendant les guerres. Ils déménagent avec tous leurs biens. Leur chariot, leur bébé, leur cossin. Si, ouais, l'ennemi s'en vient avec des chars d'assaut, des camions blindés. Ils s'en viennent à 75 km à l'heure. T'es là avec ta brouette, toi, là, d'un demi km à l'heure. Tu suis l'envahisseur, franchement. Oui, mais... Parce que l'intelligence te vient t'irriter suffisamment pour te dire, reste pas là. Alors, tu t'en vas. Mais comme... Faut pas que tu sois... Ça t'organises. Oui, mais il y a un problème à faire l'envahisseur. C'est comprenable de partir avec tes valises. C'est parce que... C'est compréhensible. Non, mais... Oui. Parce que tu recherches la misère. Non, c'est parce que tu dis, si je m'en vais ailleurs, j'ai plus rien, tu sais. Non. Au moins, je vais emmener un peu quelque chose. Tout l'humain a ça comme explication, et c'est pourquoi qu'il voit pas sa misère. Votre maison brûle, vous rentrez en dedans, cherchez le petit trophée que vous avez gagné au C'est la même chose! Puis là, l'humain, non, mais c'est à cause que c'est bien précieux, puis c'est mes parents qui te demandent la raison que tu voudras. Merde, on doit sortir trop vite de l'incendie. Fait que tu retournes. Mais à fuir l'envahisseur. Salut, tu meurs au nom de Dieu! Tous les problèmes, mais parlons de l'espoir. Mais ça en fait partie, ça. Parce que. Comme il disait en haut, lui, il y a de l'espoir, des espoirs! Premièrement, la petite flamme qu'il y a dans chaque humain, là, est-ce que ça, c'est de l'espoir? Non! Tu crois que c'est de l'intelligence? Mais c'est quoi cette flamme-là? Là? Mais c'est une flamme! Vous comprenez pourquoi je parle beaucoup? Non, ça fait une discussion. Mais t'es en train de voir, Daniel. Ben oui, il me semble que pour moi, tout le monde espère. Tout le monde espère que ça va aller mieux. Tu sais, ils ont le cancer, ils espèrent que ça va aller mieux. Pas vrai. Tout le monde espère pas ça. Personne n'espère ça. Mais non, même s'ils font tout pour être malheureux, là, ils espèrent. Non, un instant, mais il y a nuance. Je vais nuancer. Mais attends une minute, c'est que pendant que t'espères... Je nuancerai. Non, c'est parce que je suis d'accord avec Annie... Ah, oh, ben, je nuance! Attends! Fais-moi pas peur de ce que je veux dire. C'est que finalement, quand tu as de l'espoir, c'est que ça te garde quand même dans le malheur parce que tu espères et tu fais rien. Non. L'espoir, c'est pas ça. Espoir, c'est une chose. Le monde est dans l'illusion parce que le monde ne voit pas comment il est conçu. Ceux qui espèrent gagner à la loterie, ceux qui vont jouer au casino de Montréal puis qui sont en train de se mettre dans la rue puis qui espèrent gagner, ils espèrent pas gagner. Mais la seule façon pour arriver à barrer l'intelligence qui leur dit « Vas-y, pue! » Ben, l'intellect, le mental, c'est un tamponneur, c'est un ajusteur de pensée. Lui, ce qu'il fait, il va ajuster le contact avec l'intelligence et les besoins fondamentaux de l'ego, de l'humain, du joueur. Alors lui, il va se dire, il ne peut pas y aller. L'intelligence lui dit de ne pas y aller. Je vais perdre, bonjour, Blackjack, je vais perdre, je ne devrais pas être là. Il ne peut pas jouer de même. Ça serait bon. Hein? Il a besoin de souffrir. Oui, mais c'est ce qui arrive. Alors, dans ce temps-là, il va spiritualiser le contact. Et ça va engendrer ce que vous appelez l'espoir. C'est pas de ça que je parle, moi. Là. Le gars, il va se dire, « Ouais, mais peut-être je vais gagner. » L'expérience te dit que tu perds toujours. Plus il perd, plus il est sûr qu'il va gagner. Justement, oui, mais si. C'est pas ça, l'espoir. C'est comme si t'as une chance sur ça. C'est de l'arnaque. Si t'as une chance sur ça de gagner quelque chose, ça fait 99 fois que tu vas jouer. Tu dis, « Bon, là, c'est ça. » T'attends toujours ton 1%. À chaque fois que tu te présentes, t'as pas une chance sur 100. À 100 fois, tu gagnes. Je pense que c'est pas comme ça. Juste 50, juste 50, à la centième fois, juste 50 000. Tu as une chance sur 100 à chaque fois. Mais puis sur 100, tu sais. Non, mais. C'est prouvé que si quelqu'un met, je sais pas, moi, 50 piastres, par exemple, à chaque tirage à la loterie, puis qu'il se dit que, comme toi, d'ici quelques 200, quelques milliers d'années, il va probablement être un de ceux qui va gagner. T'as une chance sur 14 millions. En tout cas, dans 200 000 années, le gros lot va être... ça va être du gros lot. Mais il y a toujours bien qui gagne. Oui, il y a toujours bien qui gagne. Mais c'est pas, ils sont malheureux. Mais de toute façon, toi... Ah, ils vivent un petit trip sur le moment-là, là. Mais t'es pas qui s'organise après ça pour récupérer. Mais là, moi, ce que je dis simplement, c'est que l'espoir de ces gens-là, la personne qui passe sa vie à s'arranger pour être malade, en mangeant gras, en mangeant sucré, en mangeant trop vite, en mangeant n'importe quand, en mangeant n'importe quoi, quand elle est malade, elle a l'espoir de guérir. Mais elle a passé sa vie tout faire pour être malade. Puis quand le médecin va lui dire, ben là, vous allez couper ça, vous allez voir que sa nature n'est pas faite pour être bien. Je le dis souvent, je le disais dernièrement au séminariste, vous mettre en colère, ça ne vous prend aucun effort. Vous calmez, ça en prend. Vous n'êtes pas bâti pour être calme. Et c'est comme ça. Manger de la cochonnerie, pas de problème. Mangez bien. Ah, tabarnouche, tu contrôles. Vous n'êtes pas bâti de manger bien. Ce que vous aimez le plus, c'est ce qui tue. Les enfants, ce qu'ils aiment le plus, c'est ce qui tue. Moi, je vais dans la jungle, là, les petits jeunes, ils n'ont jamais rien mangé de sucre. Maintenant, les bonbons, ils essayent ça. Tabarnouche! Ils ne veulent plus rien savoir des cochonneries que les parents leur donnent, du singe, puis du piranha, puis des bébelles de même. Le poison vendoré, d'ailleurs, dans ces pays-là, ils mangent de la canne à sucre pour tromper la faim. Puis quand ils font des sourires, tu vois qu'ils en ont mangé de la canne à sucre. Ils n'ont plus de dents. Parce qu'il y a deux raisons aussi, c'est qu'ils font leur farine directement dans le sable. Fait qu'évidemment, ça fait un abrasif assez puissant. Bon, c'est vrai. Pourquoi ils ne changent pas de méthode? S'ils changent de méthode, ils ne perdront plus dedans. Puis là, si je leur explique ça, ils vont me dire, « Ben voyons donc, c'est pas vrai, c'est pas ça. » Non, non, ils ont de l'intelligence. L'intelligence leur dit que j'ai raison, changer de méthode. Mais ils ne peuvent pas changer de méthode, leur nature. Et là, ils ont besoin de continuer à se détruire. Mais là, la dissonance entre « merde, change », puis ta nature, tu vas créer une mécanique, c'est ce qui s'appelle la spiritualisation du contact, et ça va engendrer des spiritualités, de l'émotivité. La spiritualité, ça s'exprime sur différents niveaux. L'espoir de t'en sortir. En Bosnie, ils ont tout l'espoir d'avoir la paix. Et cet espoir, ça n'en est pas un, parce qu'il est conditionnel. Et toute forme d'espoir ou de mécanique conditionnelle est fausse. Voulez-vous être heureux? Voulez-vous être heureuse? Oui! Bon, alors soyez heureux! Je peux pas, parce que l'autre de paix, il y a du gazon plus beau que le mien! Tu veux pas être heureux! Tu veux pas être heureux! Si tu voudrais être heureux, tu laisserais faire le reste! Là-bas, ils veulent la paix, oui! À la condition qu'il y ait une purge ethnique! Tu veux pas la paix! Tu veux la guerre! Tu veux la purge ethnique! Tu veux le malheur! Tu veux la souffrance! Tu veux risquer ta vie! Tu veux que tes amis meurent! Tu veux tout ça! Tu n'as pas la paix. Tu voudrais la paix, tu ferais la paix. Ils ne veulent pas la paix. Alors, du moment que c'est conditionnel, c'est faux. Voulez-vous ceci, voulez-vous cela? Parfait. Je pose la question de temps en temps des séminaristes. Qu'es-tu prêt à abandonner pour être heureux? Rien. Rien. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être heureux? Si je dis au monsieur ici, êtes-vous prêt à vous couper la barbe ou la moustache pour être heureux? Tu peux abandonner, c'est ça, pour être heureux. Ça doit voir qu'en dedans, on travaille en maudit. Et là, la rationalisation, parce que lui, c'est un spécialiste, il va dire immédiatement, « Non, mais moi, si je garde ma barbe et ma moustache, c'est parce que je ne crois pas que je vais avoir la paix avec ça. » Mais non, prends surtout pas de chance. D'un coup, ça marcherait. C'est ça le gros délai. De toute façon, vous ne l'avez pas. Ben, si vous abandonnez des mécaniques, vous ne l'avez pas plus. Ouais, mais j'ai abandonné des choses de toute façon qui ne font pas partie de votre bonheur. Qu'est-ce que vous pourrez abandonner pour être heureux? Pas grand-chose. Demande à un jeune qui va à l'école, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être heureux à l'école? Tu es prêt à abandonner le fait de toujours t'approcher ton voisin à côté? Non. Mais ça, tu es prêt à abandonner tel... Non. Tu peux abandonner les mathématiques, le français. Ouais, il serait pas plus heureux. Fais-lui confiance. Pourquoi vous pensez qu'on dit des fois que dans les très, très bonnes familles où tout est parfait, il y a toujours des maudits drames? Ils se droguent au taille, mais c'est sûr, c'est la nature de l'humain. Il faut qu'il soit éduqué pour comprendre la nature, pour travailler à être mieux. Sans ça, fiez-vous pas sur lui ou sur la vie ou sur sa nature. Il y a d'intelligence. L'intelligence va avoir des dissonances qui vont le faire souffrir. Puis l'intelligence, quand elle descend, elle amène des petites choses chez lui-même, un petit passage rapide, une petite conscientisette. Ça fait en sorte que l'être humain va devoir bouger pour éliminer le contact. À un moment donné, vous grouillez parce que ça vous, c'est comme tout à l'heure, j'expliquais dans l'autre conférence. On répète toujours, fais plus ça. Mais à un moment donné, tu le fais plus. Pourquoi? Pour avoir la paix. Mais c'est où pour améliorer. Mais c'est où que où se situe l'espoir dans ton... Mais l'espoir, là, c'est simplement l'espoir, c'est une perception de ce petit contact. L'espoir, c'est une vision. L'espoir réel, l'espoir, c'est lorsque, par le biais de l'intelligence, vous avez accès à voir dans un autre monde. Quand vous avez accès à voir dans un... Quand je parle d'un autre monde, c'est des grands mots. C'est l'espoir de la réalisation d'une... Non, c'est qu'à un moment donné, tes yeux viennent voir... dans une autre adresse temporelle, dans un autre monde, c'est sur la planète Terre, mais c'est pas mal plus loin d'ici, et là, tu regardes, tu ramasses devant une fenêtre, là, puis là, tu vois ce qui se passe. Puis ton intelligence, tu te rends compte, premièrement, un, que tu habites là, puis l'intelligence te permet de décoder que c'est ça, la vie de l'être humain. La vie du crapaud, c'est la vie du crapaud. Plouk, plouk, plouk, plouk, la vie du crapaud. Mais la vie de l'être humain, c'est autre chose. Puis là, à un moment donné, là, tu vois un peu, puis là, ça s'en revient. Là, tu reviens dans ton monde. Et il y a la flamme. Il y a un petit quelque chose qui fait en sorte que malgré que sans arrêt, l'humanité s'est fait avoir, historiquement, aujourd'hui, tout le temps, bien, l'humain s'accroche. Sauf que l'humain va s'accrocher, pas par son intelligence, mais l'humain va s'accrocher par son ego. Par exemple, l'histoire des religions démontre à peu près juste de l'atrocité, toutes les religions. Quand on regarde l'histoire des religions, quand on regarde ce que les religions ont fait à l'échelle planétaire, historiquement, on ne voit que des guerres, des martyrs, de la souffrance, de l'inquisition, des croisades, des contre-croisades, des djihads, des guerres saintes. On ne voit que ça, des purges, du massacre, des punitions, mais pas juste ça, toutes les religions. Mais tout ça pour arriver... Et malgré tout, l'ego s'accroche à l'espoir que Dieu est bon. Non, c'est parce que l'humain, il a son contact, il voit, n'étant pas capable, par sa mémoire expérientielle, parce qu'il a connu dans l'histoire, parce que l'humain est surtout relié à la mémoire du présent vers le passé, mais la paix, l'intelligence, l'harmonie, l'amour, ça n'existe pas dans le passé. Ça existe que dans le futur. Parce que l'humain, la conscience ne fouille jamais dans le passé. La mémoire s'en charge, pas la conscience. La conscience va dans le futur, elle va dans des endroits, elle amène des choses. L'être humain, lui, quand il voit ça, ça allume une petite lumière. Et cette lumière-là, bien, égoïquement, psychologiquement, il va la structurer comment dans le monde actuel? Bien, il va la structurer avec de la forme. Cette forme-là, elle vient de la mémoire. Donc, il va la structurer en fonction de ce qu'il a connu, de ce qu'il a su, donc de son éducation, de sa réincarnation. Et nécessairement, il va donc devoir y mettre une forme connue. Donc, il va dire, c'est le paradis, pas ça. C'est Dieu, pas ça. Il va donc essayer de trouver une explication dans la forme actuelle, dans la mémoire ou dans le passé, de quelque chose qu'il a perçu ailleurs. Il a vu ailleurs des individus qui étaient capables de s'aimer sans condition. Alors, il va dire, c'est l'amour de Dieu. Non, c'est l'amour humain. Et oui, mais ça se peut pas, parce qu'on le sait. Puis en plus, t'es quasiment content. Et ici, vu que de temps en temps, il y a ce petit contact, il doit faire quelque chose avec. Alors, il va l'ajuster, de l'ajusteur psychologique. qui va venir ajuster ça et qui va engendrer, encore une fois, une forme de spiritualisation. Et ce n'est pas ce que moi, j'appelle de l'espoir. Enfin, la coloration de l'espoir vient de là. Mais donc, mais c'est utilisable, donc. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé dans les religions et c'est-à-dire tout ça. C'est-à-dire que ce que l'humain doit comprendre, c'est que chaque petit espoir que vous avez, c'est quelque chose qui se fait. C'est vrai. Oui. La problématique, c'est que la coloration de ce que vous allez placer pour la restructurer, exactement comme moi, j'entre chez vous un moule, une forme invisible. Et cette forme invisible, c'est une plante. Et vous, ben, vous ne la voyez pas. Alors, vous sentez qu'il y a une plante, donc il y a une forme. Puis là, vous vous dites, bon, ben, je veux la voir. Alors, vous allez fouiller chez vous, vous allez prendre des morceaux de tapis, un bout de tapisserie. Allez venir coller ça sur la forme, on a ramassé un petit peu de la litière à chat, on a mis un petit peu là, ramasser quelques affaires, un peu de farine, puis là, finalement, vous allez dire, « Ah! C'est ça! » Non. C'est des religions, ça. C'était une plante. C'était bien différent comme texture, puis comme toute affaire au complet. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas capable de supporter l'image, par exemple, de la plante. On n'est pas capable de supporter cette image-là. C'est pas ça. Ou on n'a pas ce qu'il faut pour la supporter. Ce qui arrive simplement, c'est que... Mais ce qui arrive simplement, c'est que l'être humain, on l'a vu dans notre conférence, l'être humain est organisé de façon à avoir un doute permanent. Mais ça nuit, ça. Ben, ça nuit pas. Ça te permet de souffrir. Mais tu sais, il y en a qui trouvent ça salutaire, les mentalisateurs, au début, parce que ça te décroche des religions. Souvent, la pêche au problème, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça nuit pas. Sauf que l'être intelligent ne vit plus ça. Il sait quand il sait, puis il sait quand il ne sait pas, puis il s'en fout de ne pas savoir. Pouf! Mais l'être émotif, l'être égoïque, lui, il était investi d'un paquet d'idées fausses, de structures bizarres, et à un moment donné, ben là, si tu rentres une forme dans son astral, un contact, une forme qui palpe, mais qui ne palpe pas, ben vu qu'il est déjà en mode de doute, et sa nature est de s'arranger pour éliminer le plus possible le doute, et pour éliminer le plus possible le doute, il va travailler. Puis nécessairement, quand il élimine le plus possible le doute, il y en a d'autres doutes. Bon. Alors, pourquoi qu'il va simplement mettre tout ce qu'il peut autour? C'est pas parce qu'il ne peut pas supporter la nature même de la plante. C'est parce que c'est sa nature de s'expliquer. Compliquer les choses. Lui, ben non. Lui appelle ça s'expliquer. Vois-tu, il y avait... quand il y a une source qui sort de sous la terre à une place, puis à un moment donné, la source commence à tarir. Personne ne voit pourquoi. Tout le monde va commencer à théoriser là-dessus. Ils vont tout inventer plein d'explications. L'humain ne peut pas vivre si c'est pas, parce que ça l'insécurise. Mais la problématique, à chaque passage d'intelligence dans la tête de l'être humain, on y amène du neuf. Pouf, t'es une planète. Pouf, t'es poisson dans l'univers. Pouf, une galaxie. Pouf, il y a peut-être des extraterrestres. Pouf, il y a peut-être des intras. Pouf, il y a peut-être un gouvernement. Il y a peut-être plein de monde contre toi. On y amène plein sans arrêt. La personne est toujours en doute. Tout le temps en doute. Vous ne pouvez... Tu sais, vous ne savez rien. Ce n'est pas un défaut, c'est un état. Quand je parle de vous ne savez rien, c'est au niveau égoïque, au niveau psychologique. Moi, tu perds mon emploi, moi, tu... À un moment donné, on ne se pose même plus de questions, mais la vie est une vraie farce. Mais pourquoi c'est plus fort de... On dirait que c'est plus crédible qu'il y a des extraterrestres qu'il y a de l'amour sans condition qui existe. Bien, les extraterrestres ne peuvent pas améliorer ton sort. Donc, lui-même va accrocher là-dessus. Les religions ne peuvent pas améliorer ton sort. Lui-même va accrocher là-dessus. Il y a un gars qui est passé, il y a 2000 ans, il a fait ça. Tu y crois, tu le vénères. L'autre petit câble là-bas, tu fais du bien, il n'a rien à foutre. Tu vénères le gars qui est passé, il y a 2000 ans. Bon, ou tu vas vénérer Bouddha, ou tu vas vénérer Mahomet, ou tu vas vénérer un autre, etc. Oui, mais l'espoir... Ils peuvent plus t'aider. L'espoir dans les religions, c'est de vivre heureux. Toutes les religions peuvent... Non, c'est pas de vivre heureux. Ben oui, c'est la vie... Quand ils sont levés à l'autre bord du mur, c'est ça qu'ils ont vu, c'est de vivre heureux. Oui, mais pas dans la religion. Ben, c'est ça que la religion devient simplement un tampon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je parle d'être humain vers la pêche, c'est vrai. La nature de l'humain, c'est de trouver le plus possible, de ramasser le plus possible d'occasions pour souffrir. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va s'arranger pour cacher le plus possible ce qui peut l'amener à se libérer de la souffrance. Alors, à un moment donné, tu vas avoir un contact de quelque chose qui va espoiriser ta condition. Donc, tu vois effectivement quelque chose qui est vrai. Oh, mais tout ce que l'humain garde normalement, c'est la saveur du contact. Il sait que c'était parfait en tabarnouche. Et l'intelligence lui fait dire, c'est ça ta vie. C'est ça qui doit être fait. Mais c'est pas vrai. L'intelligence lui fait dire, c'est ça que tu vis dans une autre adresse temporelle. Mais actuellement, il y a des principes de base pour arriver à créer dans le continuum cette condition-là dans le temps. On fait partie des ancêtres. Bon. Sauf que l'intelligence commence à venir ramasser l'humain depuis quelques milliers d'années. De plus en plus, évidemment. Et la problématique, c'est que la structure de la nature même de la psychologie humaine s'est arrangée pour camoufler, pour fermer les contacts. Alors évidemment, si c'est l'autre côté, c'est bien, c'est arrangé pour dire « Parfait, le gars qui me veut du mal, c'est lui qui me fait du bien. » Et continuellement. Alors quand tu vas dire « Les religions parlent d'être bien. » Les religions ont eu une raison stratégique dans la maturation de l'humanité. Quand l'humanité est arrivée à un point où l'intelligence le frappait juste un petit peu trop, puis l'humanité n'était pas capable de supporter ça, elle devenait fragile, la spiritualisation, la mécanique de spiritualisation pour couper le contact avec l'intelligence a préservé la race humaine ou les races humaines. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, la religion n'est pas là pour préserver la race humaine. Ça l'a fait en sorte que ça l'a préservé la race humaine. Les religions ont, toutes les religions, ont toujours donné de la valeur à la souffrance. Sans exception. Oui, ça. Bon, la religion, donc, n'est pas là pour dire « Vous allez être bien ». Jamais. Maintenant, pour que l'action de l'intelligence... Non, mais oui, il y a une condition. C'est ton intelligence qui vient de frapper, qui dit « Sors de là! » Mais là, tu as tamponné, toi, là, atténué en disant que c'est parce que tu n'es pas correct si tu souffres, mais que si tu appliques les 388 commandements...